samedi soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, plein de bonnes choses pendant 2 heures. Et on va commencer ce soir avec un second extrait d'un album qui n'est pas encore paru, The Uncrowned King Part 2 de la formation américaine Evership. C'est donc, je vous ai le second single. Avec comme invité spécial pour cette chanson, Michael Sadler de Saga. On aura aussi d'Allemagne, ça vient de sortir, Sand Project, une nouveauté. L'album a pour titre C4 et c'est le projet du bassiste allemand Chris Angels. Et puis d'Italie, on aura Gianna Dracca, et ça c'est un single ça aussi, c'est sur aucun album et possiblement que ça ne sera sur aucun album. Le groupe italien a présenté un seul album en 2019 qui a pour titre When the Journey Begins. Et Marc, après, ben, je pense que c'est la Norvège qui figure à l'itinéraire. Oui, en effet, ce sera la formation Neograss, tirée de leur plus récent album Talisman, paru en 2021. C'est leur 4e album en carrière. Et on aura la pièce Me and You. Et ce sera suivi de l'artiste américain Mike Yan, un artiste qui a plus de 10 albums à son actif. Et ce sera un extrait de son plus récent album The Learning Tree, paru en 2022. On aura la pièce Saved. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, une nouveauté de la formation américaine Evership. I am the voice of the brand new day. I come to light to cast things in new ways. Day awaits, bright morning song, growing color from the grave. I cry from the deeps within, I speak of the great that will be. From the future without end, in time and upon infinite change.

told aside. Throw back your mask. The dusk is over. Regain your task. Who told sunlight across the stranger's hair. Soft low music flow through the air. A vague expression upon a stranger's face. I feel your presence, it feels a lonely place. Sometimes you move with unconscious grace. My pulse beat faster in the breathless space. No room enough to be anywhere. I turn around and find you standing there. C'est KRL 89.1. Retrouvez Amy en diffusion sur CKRL. L'album du groupe Bastard, A Place to Call Hell, signé avec Hell for Breakfast, sera à te préparer pour tes futurs mosh pits. maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On entame cette seconde demi-heure avec un groupe que Marc et moi apprécions beaucoup, groupe norvégien Neklektrik, et c'est de leur troisième album Alt Blir Vert, et je pense que c'est la troisième pièce qu'on présente de cet album, un album qu'on apprécie de plus en plus à chaque écoute. Et puis on aura du Portugal, Omni Wise, de l'album Wind and Blue. Je dirais que c'est impressionniste, psychédélique. Il y a beaucoup de mélotron, c'est un pur plaisir ça aussi. C'est de leur troisième album, Wind and Blue, et c'est la pièce Crown Flash. Et après ça, Marc, je pense qu'un petit coup dans le rétroviseur du côté des États-Unis. Oui, en effet, c'est la formation Mott Vellum qui a été fondée à Los Angeles en 2007 et le groupe s'est séparé en 2010. Ils ont réalisé un seul album, éponyme, et qui est paru en 2008. Alors, on aura la pièce « Let the Race Begin » et ce sera suivi d'un deuxième extrait de l'album de MZ, qui est le projet de Mathieu Torres de Toulouse, en France. Son nouvel album « La civilisation de la graine » qui est paru le 24 juin. Et on aura la pièce « Enquête païenne ». Mais on débute, comme Michel vous disait, avec la formation « Neklektrik ». We'll be right back.

Sparks. du 28 au 31 juillet, à la place de l'Université du Québec et au district Saint-Joseph. Rejoignez-nous pour le Festival des Journées d'Afrique. Pour sa 26e édition, le festival offrira une programmation haute en couleurs et en diversité, incluant des activités pour toute la famille. En plus des nombreux concerts avec des artistes et musiciens de renommée mondiale, à compter de 14 heures, des ateliers de tam-tam, de danse et des expositions d'objets artisanaux seront aussi au programme. Le Festival des Journées d'Afrique vous est présenté grâce à la collaboration de Patrimoine Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et CKRL 89.1. Pour plus de détails, consultez le site festivaljournedafrique.com. Bon festival! Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura trois formations italiennes. Pour terminer le bloc, on terminera avec Il Paradiso degli Orchi, qui ont été fondés à Brescia en 2009. On aura un extrait de leur second album, Il Corponauta, et la pièce La Stanza dei Ricordi. Juste avant, une formation légendaire de l'Italie, Banco del Mutuo Soccorso. Mais ce sera ici leur plus récent album, Transiberiana, une reformation pour ce groupe, étant donné que leur chanteur vedette, Francesco Di Giacomo, est décédé. Alors, ce sera la pièce La Discesa dal Treno. On aura également la formation Aliante, qui est un trio formé à Coltrono en 2017 en Italie, tiré de leur plus récent album Sul Confine, paru en 2019, et la pièce Mezzada. Mais tout d'abord, Michel, un musicien qu'on adopte depuis plusieurs années à Terra Incognita. Oui, c'est le musicien finlandais Kimmo Porsti, principalement batteur, et on l'a connu par l'entremise de Samurai of Prague. C'est un des membres du noyau dur de Samurai of Prague. Mais il a déjà joué aussi avec un groupe qui s'appelait Mist Season et un autre qui a pour nom Pedarian. Donc, c'est des formations finlandaises. Premier album est paru sous le nom de Mahanen en 1997 et par la suite, il a réalisé Wayfarer en 2020. Et en 2021, c'est Past and Present. Mais dans le cas qui nous occupe, on va écouter ce soir un extrait de l'album Wayfarer. Un album qui, tout comme les albums de Samurai of Prague, a été réalisé avec la contribution de multiples musiciens. On parle ici d'une bonne vingtaine, et dont Dave Benbridge de Live Signs, il y a Marco Bernard, évidemment son complice, et plusieurs autres. Et on y va avec la pièce Heaven's Gate. Thank you.

del nulla, c'è un bianco dolore eterno, fatto di assenze e non ritorni. Dove tutto si scompone in impalpabile assenza di corpi e di sogni, di sogni vissuti all'alba. E mentre siamo inermi davanti alla luce dell'attesa, soli e trafitti dai raggi del sole, thank you. dentro quella porta e cosa vedo? Tutto quello che potete immaginare, meglio ricordare nella vostra vita. Milioni di ricordi appoggiati su scaffali, alcuni polverosi, altri nuovi, molti fanno piangere e ricordare. Quanto fragili siamo noi qui, cercare sempre oggetti per riempire qualche vuoto, alla fine siamo legati sempre a loro per ricordare ora chi siamo, ma capisco che pesano, ci riportiamo sempre appresso e ci impediscono di scappare via. Miliardi di ritratti, disegni, cartoline, e quadri appesi in ogni dove mi riportano alla mente volti che non saluto da cent'anni ormai. Ora mi si stringe il cuore, il corpo un poco trema, mancano anche più stronzi che han camminato insieme a me. Vorrei saperti ancora disperato per non saper cantare sempre più in alto, ma felice e contento di vivere anche solo un'ora in più. CKRL 89.1. CKRL 89.1. Salut, je m'appelle Zita Bombardier et je suis animatrice d'univers francophone et de première loge ici même à CKRL. Ça fait déjà 3 ans que je fais partie de la famille et j'ai vraiment passé par toutes les étapes. J'ai commencé en tant que chroniqueuse. Ensuite, je me suis retrouvée à couvrir le Festival d'été de Québec avant qu'on m'offre l'émission Univers francophone. Et je suis très, très choyée, très reconnaissante surtout à donc, cette belle équipe-là d'avoir cru en moi, de m'avoir offert cette belle opportunité et d'être toujours présente, d'être toujours là. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation des Pays-Bas Beyond Berlin, en fait qui est la collaboration de René de Backer et Martin Peters. C'est leur 3e album intitulé Épiphanie, paru en 2021. C'est une musique électronique qui fait référence à ce qui se faisait dans les années 70 avec les claviers numériques et ce qui a été l'origine de la musique électronique. Donc, on aura la pièce Artificial de cet album, mais tout d'abord, Michel, pour débuter, une autre formation norvégienne qu'on a adoptée depuis plusieurs années et qu'on aime beaucoup. Oui, Professor Tip Top, un groupe qu'on a adopté très rapidement. En fait, dès qu'on a découvert l'album Exobiology en 2016, il y avait 2 autres albums avant, mais ils étaient un peu passés inaperçus. Et ben là, ce qu'on va écouter, c'est un extrait du 4e album, Life is No Matter. Et on écoute la pièce Lullaby for Grown-Ups. Still rust skin dwelt 4,000

Ce soir, on vous laisse avec un groupe français, Lazuli. Et ce sera un extrait de leur 7e album studio, Nos âmes saoules. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et bien, je vous invite aussi à vous inscrire, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Comme isolé, sans idéaux, il nous retient et nous ceinture, l'équilibre et l'encolure, il nous embrasse et nous caresse, il nous enlace et puis nous blesse. ici Sarah Dufour et je vous invite à écouter mon album qui est en diffusion à CKRL 89.1. Salut! J'ai pacté tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattatata. Aujourd'hui j'fais de la musique, pis j'trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine je joue d'un bord, ça c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si j'joue plus au baseball, là j'traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas à demain pour vivre de suite. CKRL 89.1. CKRL, c'est d'abord une présence. Ce sont des voix qui, depuis 49 ans, ont su être l'écho de milliers d'autres voix, celles de la communauté de la région de Québec, mais aussi celles du milieu culturel, politique, social, communautaire, qui est venu en nombre pour se questionner, pour faire la promotion de leurs œuvres. Jean-Yves Bernard, directeur de la programmation en 1985 et 86 à CKRL et animateur de l'Accroche-cœur. C'est important de parler des voix parce que à l'heure où on peut d'un clic écouter toutes les musiques du monde de façon infinie mais anonyme, les voix sur une radio comme CKRL, c'est une présence vivante. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. 42 Québec, une formation dont tu es le héros. Après avoir appris les bases de la programmation informatique, tu auras accès à la spécialisation. Tu pourras alors accomplir les projets de ton choix. Intelligence artificielle, cybersécurité, jeux vidéo, web et plus encore. Tu veux apprendre à coder à la façon 42 Québec? Il est encore temps de t'inscrire aux prochaines cohortes qui débuteront en août et en septembre sur 42québec.com. CKRL 89.1. Retrouvez Brunner en diffusion sur CKRL. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un